La vie c'est violent, le monde c'est violent, ouais. L'argent c'est violent, les news c'est violent, ça. L'école c'est violent, c'est. L'amour c'est violent, yes. La rue c'est violent, donc le rap c'est violent, C-Q-F-D. Nous traite pas de méchants, ils ferment les usines, gratte de bénéfices et se fichent de faire crever les gens. Bac la diligence, vise le pactole, farandole de corps pour un bout de sol. Combien lui font allégeance, trop de sang dans les barils, trop de gaz dans les manifs. Tous veulent être calife, prêts à shooter les shérifs. Même la paix à l'écrit va serrer, battre les mains serrées en cage, prêt à s'entretuer juste pour passer les califs. Le fric c'est violent, la vie c'est violent, les gens sont violents. Tu veux que mon rap sonne comment? Alors ok, c'est décevant, y'a rien d'étonnant. Autant de paradoxes, sûrement le mélange le plus détonnant. La routine harcèle, chacun de nous emporte les séquelles. Large est le panel, et je compte pas se tomber dans le panneau. Fini les cadeaux, si on perd pied, on sort du tableau. Y'a aucune aide, peu de place à prendre et trop de rivaux. Le rap est bien moins cruel que la chienne qui le nourrit. Celle qui le rejette aussi, parfois bouffe ses petits. Sous la pression, on plie tellement, on n'entend même plus les cris. Ne blâme pas ma plume, elle tape seulement sur ceux qui médisent. Au taf c'est violent, au sport c'est violent. Les comptes sont violents, tu veux que le rap sonne comment? Le globe est violent quand c'est la bourse qui commande. Et là tu es aussi, selon qui la commande. La vie c'est violent, le monde c'est violent, ouais. L'argent c'est violent, les news c'est violent, yes. L'école c'est violent, ouais. L'amour c'est violent, c'est la rue c'est violent, ouais. Donc le rap c'est violent. C-Q-F-D. Incroyable, la statue faite à la caillasse. Ta vie c'est maquillée comme Ramayad. De partout dans les blocs son nom brûle les lèvres. Et les lovés qui lèvent défilent bon élève. Sol, sol, RR, dès qu'on lance salve à la télé chaque année. Le drame est anniversaire, armée régulière reconvertie en cerbère. Ils la drogue dans les verres comme le font les pervers. Tu vois, on se destine à trop de trucs minables. On s'est planté pour tourner, plus de virages. Les petites mains agiles à manipuler des narcotiques. Sous la pression, on nique les principes, ils parlent aux flics. Où est l'amour dans le béton des corridors? Pas l'étiquette, nah, le mal est polymorphe. Tu comptes que l'exemple émane de ces ministères mystères. C'est la même autour de l'hémisphère viscère. Accroché à bien trop peu de jolies choses. Le rap sévit, le rap sévit, ça rigole. On nous assène et c'était mieux avant. Avant quand? Avant qui? Y'a 100 ans, j'perds mes nerfs. Chaque fois j'entends la sentence, ils veulent le gène de délinquant inscrit dans le sang. Nos gens sur les pentes glissantes laissés en plan. J'prends de la hauteur pour l'excellente vue d'ensemble. La vie c'est violent, le monde c'est violent, ouais. L'argent c'est violent, les news c'est violent, yes. L'école c'est violent, ouais. L'amour c'est violent, c'est la rue c'est violent, ouais. Donc le rap c'est violent. C-Q-F-D. Micro ouvert. Quoi, c'est le top? Tu trouves pas que c'est le top? Moi, j'ai jamais dit que c'était le top. Hein. Moi, j'ai dit que c'est le top. Ah, c'est le top. Allez, autour de moi, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. Plutôt 8. Avec moi, 8, c'est vrai, avec moi, 8. Une personne qui arrive toujours en retard. Donc, voilà. Il y a une personne en retard qui doit arriver? Tout le temps. Ok. Et donc, peut-être c'est chouette que vous donniez vos noms, prénoms, pas obligés, si vous voulez pas, vous le donnez pas, votre âge aussi, comme ça, les gens qui écoutent, ils comprennent un petit peu à qui ils ont affaire, quoi. Qu'est-ce que, voilà. Moi, je m'appelle Ingrid, j'ai 19 ans. Enchantée, Ingrid. Maya Camara, j'ai 18 ans. Enchantée. Walid, j'ai 20 ans. Ok. Norbert, j'ai 19 ans. Très bien. Dorin, j'ai 17 ans. Vous avez tous un peu la même tranche d'âge, quoi. Toi? Moi, c'est Beyoncé, j'ai 21 ans. Ah ouais, c'est toi la plus grande. Non, c'est toi la plus grande. Hanan. Moi, je m'appelle Hanan, présidente de l'ASBL Citoyen du Partage. J'ai 34 ans. T'es vieille, quoi. Mais donc, c'est par ton biais, en fait, que moi, je me retrouve là. voilà, j'ai eu un contact, j'avais envie un petit peu de savoir comment ça se passait dans les quartiers. Parce qu'on n'en parle pas souvent. Souvent, on parle quand il y a une mort d'un jeune. Voilà. Et moi, j'avais envie d'entendre un petit peu cette jeunesse. Qu'est-ce qu'elle raconte? Et comment peut-être aussi elle en a un peu marre de tout ce qui se passe par rapport à ces violences policières. On a beaucoup parlé de ça, mais il n'y a pas que ça, évidemment. Il n'y a pas que les violences policières. Aussi envie de parler de ces jeunes, on parle de ces jeunes aujourd'hui avec le Covid, que ça va vraiment pas. Et... Mais j'imagine que pour vous, jeunes, dans certains quartiers, c'est pas toujours évident. Voilà, j'avais envie, mais peut-être j'ai plein d'a priori, hein, j'avais envie de me confronter voilà, aux jeunes et qu'on discute un peu de tout ça. Voilà. Qu'est-ce que... J'ai bien parlé, Anan ? Bien sûr, bien sûr. En même temps, on va voir leur point de vue de chacun des étudiants qui sont là. Parce qu'ils sont venus faire leur stage, voir c'est quoi la précarité et voir comment travailler avec les 19 communes de la ville de Bruxelles. Et en même temps, ils ont vu pas mal de familles qui demandent des colis alimentaires. Et en même temps, ça permet de voir autre chose que le Covid H24 et de ne pas aller à l'école. Il y en a ceux qui aimeraient aller à l'école tous les jours, mais il y en a ceux qui oublient d'aller à l'école. Malheureusement, le Covid leur a fait perdre la mémoire à ces jeunes-là. Donc nous, notre but, c'est qu'on est là pour leur réussite et pour qu'ils puissent bien avancer dans la vie. Même si des fois on leur dit que c'est des enfants un peu désespérés, mais un jour ou l'autre, j'espère qu'ils vont trouver le droit chemin, qu'ils savent c'est quoi l'école, qu'ils ont de la chance d'aller à l'école. Parce que je travaille aussi au niveau des orphelinats. Il y en a ceux qui n'ont pas la chance qu'ils ont eux, d'avoir les parents, d'être bien, d'avoir les deux parents sur le même toit, de les aider éducativement. Il y en a ceux qui sont tout seuls, qui essayent d'avancer tout seuls, mais ils arrivent à réussir dans leur avenir. Malheureusement, c'est toujours les enfants qui se trouvent seuls, abandonnés par leurs parents, qui réussissent le plus. Excellent. Donc, c'est mathématique. Il faut abandonner les enfants pour qu'ils réussissent. Ouais. Alors, il faut savoir qu'une chose, ces enfants-là, tellement qu'ils ont souffert dans leur vie, ils ont quelque chose à prouver. Alors, moi, je pense que voilà, la meilleure chose d'approuver à ces jeunes qui ont leurs parents, qui sont bien, qui vivent dans un cocon familial, qui ont mangé tous les jours, ces jeunes-là, ils disent, ah, quand ils viennent en face d'une personne qui a tout, qui a un papa qui travaille, qui a une maman qui travaille, qui ont un toit et tout, et qui voit que l'enfant, il traîne toujours dans la rue, alors que l'autre qui est en face de lui, il n'a pas tout ça. Il lui montre que, voilà, même si j'ai rien, j'ai réussi. Je l'ai fait par moi-même. Donc la volonté ne vient pas nécessairement des parents, elle vient de eux-mêmes. Donc moi, je pense s'ils veulent vraiment réussir dans la vie, c'est qu'ils doivent s'affronter eux-mêmes, faire les propres obstacles eux-mêmes et avoir cette réussite de réussir et montrer aux autres que voilà, ils sont pas incapables. Parce qu'on dit ouais, mais toi, t'as pas de papa, t'as pas de maman, tu vas jamais rien faire dans ta vie. Et ça, ça touche la personne qui est en face d'elle. Elle dit ah ben tu vas voir qu'est-ce que je vais faire. Ils ouvrent des entreprises, ils réussissent. Et en même temps, ils leur trouvent des travails. C'est incompréhensible, mais c'est ça qui se passe réellement dans la vie de tous les jours. Ces enfants-là qui réussissent le plus, malheureusement. Et ceux qui ont leurs parents et que leurs enfants traînent dehors dans la rue, qui n'arrivent même pas à les gérer, ils disent qu'ils ont vraiment perdu quelque chose. L'éducation, l'ont perdu, le respect des parents, parce qu'il n'y a plus de respect. À travers ces jeunes-là, il n'y a plus de respect, malheureusement. Et ce Covid-là leur a vraiment chamboulé. Ça veut dire même les horaires d'école, ils ne vont plus à l'école, ils ne sont plus intéressés à rien. Ils veulent juste sortir, s'amuser parce qu'ils disent peut-être que c'est leur dernière année de survie. Peut-être qu'ils vont survivre ou pas survivre. Excellent. Il hein. Faut dire réellement, moi quand je donne des colis alimentaires, des fois la personne me dit « Ah, moi j'ai envie de sortir, j'ai envie d'aller en boîte, j'ai envie de m'amuser. » Le problème, plus qu'on sort et tout, plus il y a de morts. Et c'est ça qui est dommage. plus on sort, plus il y a de morts. Mais il paraît que les jeunes sont les moins touchés de tout ce bazar. Ben, moi, j'ai eu plusieurs dans ma famille et on est à 20 décès. Alors, si on dit qu'on n'est pas touché, on est vraiment touché par ce Covid. Parce que quand on les ramène à l'hôpital, qu'ils ne s'en sortent plus, qu'ils n'arrivent même plus à respirer, c'est là où on dit qu'on a perdu un être cher. Non, mais arrête, là, tu fais peur, quoi. Là tu fais peur. Que tu dis 20 personnes dans... T'as une énorme famille, quoi. Oui. Qui ont été touchées, mais qui ne sont pas morts. Si. On a eu des décès chez nous. Oui, vous avez eu des déchets. Des déchets. Des décès. Mais c'est pas possible, ça. Bon, on va essayer de tenir le fil. Hein. Mais toi, Hanan, qui nous parle ici, là, t'es qui, en fait? T'es quoi? On est où? On est où? J'en fais peur. Alors, moi, je suis présidente de l'ASBL, citoyenne du partage. Ça fait 15 ans de terrain que je travaille avec beaucoup de jeunes précaires. Et avec ça fait 15 ans que cette ASBL existe ici, dans le quartier? Ça fait pas 15 ans qu'elle vit dans ce quartier-là. Il faut savoir que je suis partie à Calais, à Dunkerque. J'ai voyagé un peu en Grèce. J'ai vu un peu la misère un peu partout. Et voilà, si je peux apporter quelque chose en Belgique, je l'apporte avec mon ASBL en étant aidant les jeunes défavorisés et ceux, les SDF qui n'ont pas de toit. Et en même temps, il y a des squats, on peut les loger et les nourrir et envoyer des couvertures et faire notre possibilité pour qu'ils aient un avenir meilleur. Et en parallèle, je travaille aussi avec la jeunesse. C'est-à-dire la jeunesse qui sont un petit peu perdus, leur trouver un petit travail pour qu'ils puissent un peu oublier leur solitude, qu'ils puissent se concentrer à autre chose de traîner dans les rues. Et faire du sport avec eux, m'amuser avec eux, et en même temps aussi faire des cours de danse, cours de théâtre et de l'impro et de la culture. Donc moi je vise la jeunesse à faire plus de culture pour qu'ils puissent un peu aménager ce côté de rester trop tard dans les rues et rester dans les blocs. C'est pas le but. C'est vraiment... Dans les blocs ? Oui. Dans les blocs ? Dans les blocs. Ça veut dire quoi, dans les blocs ? C'est comme en France, une petite banlieue. Ils traînent toujours dans les blocs, voilà. Ok, ben... Passe. C'est peut-être bien un petit peu... Qu'est-ce que ça vous inspire ? Mais toi, t'es travailleuse sociale ou comment t'as la fibre ? Pourquoi t'as la fibre de t'intéresser aux gens qui sont démunis ou qui n'ont pas grand-chose ? Pourquoi, en fait ? Parce que, via mon passé. Donc, il faut savoir que moi, j'ai grandi avec des frères et j'ai perdu un frère. J'ai perdu un frère à ma armée, donc, qui est décédé à cause de ça, à cause de ce qui traînait trop dans les rues. Et voilà, là, j'ai en perdu aussi un deuxième pour ça. Et voilà, donc moi, mon but, c'est vraiment que ces jeunes-là ne traînent pas d'or dans les rues, qu'ils ne font pas n'importe quoi. Et, parce que Hanan, être dans la rue, c'est aussi chouette, on se parle les uns les autres, on fait des rassemblements. Non, mais je veux dire, c'est parce qu'il y a une image comme ça, c'est aussi intéressant pour... Celui qui ne connaît pas vraiment les quartiers, ou le quartier, ou même quand tu vois une bande de jeunes qui sont là ensemble, ils ne font pas forcément, des choses mauvaises, où ils parlent ensemble, ils papotent, ils se racontent des trucs. Quelqu'un a dit quelque chose ? Beyoncé a parlé, je pense. Quoi ? T'as dit quelque chose ? Non, j'ai dit ils font des barbecues au quartier, c'est tout. Non, mais je veux dire, voilà, moi j'aimerais bien aussi un peu casser cette image de penser que les jeunes, parce qu'ils ne vont pas. Après, on discute, hein. Parce qu'ils ne vont pas à l'école, je veux dire, excuse-moi, l'école, c'est pas très excitant, hein, à la base, quand tu vois... Après, on sait que c'est par ce biais-là qu'on a un papier et qu'on peut travailler. D'accord ? Les amis, avec tout ce qui vient de se dire, qu'est-ce que vous avez envie de réagir sur quoi, par exemple, de ce qu'on vient de causer ici, là, maintenant ? Dites-leur la vérité. Je compte sur vous, hein. Allez-y, de toute façon, on ne vous voit pas, on ne sait pas... La rue, elle est bleue, elle est rose, parce que c'est faux. Tu dis ? Il ne faut jamais dire que la rue, elle est blanche, elle est rose, parce que c'est faux. C'est vraiment faux. Les blancs et les roses, ça veut dire ? Blanc et rose, c'est un arc-en-ciel. Ah oui, que ça se passe bien, quoi. Voilà, en fait, ils sont trop attachés à TikTok, Snap et tout. Des fois, ils voient trop ça dans la vie de tous les jours. Ils croient qu'il faut se concentrer qu'à ça. Alors que non, ils ne savent même pas lire un livre. Quand vous dites c'est qui Coluche, ils ne savent même pas c'est qui Coluche. Quand vous dites c'est qui la belle Pierre, ils ne savent même pas c'est qui la belle Pierre. Il n'y a pas cette culture, il n'y a pas cette génération-là. Oui, mais ce n'est pas de la même génération. Ce n'est pas une question de génération, c'est des hommes qui sont battus pour nos droits. Il y a les droits de la femme, ils ne savent même pas qu'ils ont droits de la femme. T'as raison. Donc, à un moment donné, il faut qu'ils se réveillent, il faut qu'ils apprennent à lire, hein. Il faut qu'ils avancent. Bon alors, les gars, les filles, là, dites, allez, renvoyez quelque chose. Allez, assumez-vous. Qui vous avez envie de réagir sur quoi qu'on a dit, là ? Ben, après, pour moi, il y a traîner dans la rue et traîner dans la rue. Ben, le premier thème, on va dire, traîner dans la rue comme traîner en mode normal avec ses amis et tout. Et à traîner avec des mauvaises fréquentations. Commencer à traîner avec de mauvaises personnes, dealer, ouais. Tout ça, avoir des envies suicidaires et tout. Et donc, voilà, il faut juste faire attention et faire la différence entre les deux. Ouais, je suis d'accord avec toi, moi. Ouais. Quelqu'un a envie de réagir ? Ça, moi, je sais pas, moi, je connais pas ça. Tu connais pas quoi ? Je sais pas. Ah, arrête, vas-y. Quelqu'un. Allez, n'ayez pas peur, vraiment, il n'y a pas de... Vous avez bien une pensée, quoi. Non, mais c'est vrai que les jeunes maintenant qui traînent dans les quartiers, en fait, ils se disent pourquoi je me réveille à 8h du matin pour aller à l'école. No picture, please. Se réveiller à 8h du matin pour aller à l'école si on n'a pas d'argent, on n'a pas de salaire derrière ça, alors que certes, dealer, c'est pas bien. ça peut, je sais pas. Ça... Ouais, il y a un plan B direct qui est là, de se faire de la thune facile, quoi. C'est ça que tu veux dire, voilà, de se faire de la thune facile. La police derrière nous, etc. Mais après, quand... Mais après, quand voilà, ils sortent au quartier, ils se réveillent quand ils veulent, ils sont là 2-3 heures, ils vont ramener... Parce que des personnes qui travaillent en soi ou un travail ne ramènent pas en un mois, bah, ils se disent pourquoi continuer l'école. Tu dis ? Quelqu'un a parlé ? Tu dis ? Voilà, j'avais dit une petite phrase, mais... Allez, vas-y, dis-la. C'est intéressant. C'est intéressant d'entendre. Moi, je trouve que ce qu'a dit Anan, c'est vrai. Dans la rue, il n'y a rien d'intéressant. Ça peut aller vite. Enfin, il n'y a rien de... Il n'y a rien d'intéressant dans la rue ? Mais de quelle rue on parle ? Parce que c'était comment ton prénom ? Maya. Maya faisait une différence entre la rue où on fait des chouettes fréquentations, on rencontre les gens, on fait un barbecue, on papote, et puis l'autre côté où on est pris dans des salles, comment on dit ça, des salles liens, fréquentations, etc. Tu vois, c'est pas la même chose. Toi, tu penses fondamentalement que la rue, elle est mauvaise. Non, elle est bonne. Non, je parle de la rue, la mauvaise rue, on va dire. Ouais, ouais. Ah ouais, mais tu vois pas la bonne rue, parce que quand tu sors de chez toi, on est en ville, c'est la rue, c'est pas la forêt. Même les quartiers, c'est bien. Tu dis ? Même les quartiers, c'est bien. Ben oui, oui, enfin, je vois pas pourquoi. Après, il n'y a pas que du mal au quartier. Tu rencontres des gens, tu crées des liens avec les gens, tu fais des activités avec les gens, tu fais plein de trucs, tu parles en vacances avec eux, tu manges avec eux. Il n'y a pas que le mal. Voilà, mais moi je suis d'accord de dire ça parce que quand vous sortez de chez vous, on se retrouve dans la rue, vous voyez ce que je veux dire ? On ne se retrouve pas à la plage ou on ne se retrouve pas, vous voyez, c'est la rue. Donc on est bien obligé de faire avec cette rue qui est des fois. Positive et qui des fois négative, quoi. Vous voyez, moi j'imagine que si j'avais des gamins, ben, sortez en rue, je vous fais confiance, mais surtout, ne faites pas des mauvaises fréquentations, quoi, parce que c'est là que vous partez dans un drôle, comment je dirais ça, dans un drôle de chemin, quoi. C'est vrai, non ? Quand tu commences à dealer ou quand tu commences à prendre de la drogue, alors tu es pris dans un cercle infernal et c'est pas gai, quoi, la vie. On ne souhaite pas ça pour ses enfants, quoi. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire. Hein, Anan ? Oui, bien sûr. Tu as des enfants, toi ? J'ai un petit garçon de 9 ans. Il va bien ? Il va très bien, il va dans une école spécialisée. Ok. Et pourquoi il va dans une école spécialisée ? Parce qu'il est spécial ? Parce qu'il est spécial, il est hyperactif, il a le X fragile, il a le type 2. Donc voilà. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Oussama. Eh ben, un petit coucou à Oussama, alors, hein. Eh ben ouais, pourquoi pas. Et quoi ? D'hyperactivité. Il dort pas la nuit, en fait. Il peut dormir 3 heures du matin, il peut se réveiller à 6 heures. Mais il est hyperactif. Et sa technologie, c'est tout ce qui est PC portable, tout ce qui est futur. Donc, il est très, très évolué au niveau psychologique. Et il sait retenir tout. Il a une mémoire très, très visuelle. C'est bien, ça. Et voilà, donc il est un petit peu surdoué. Excellent. Mais là, je jure, il utilise mon compte banking, il envoie des mails, donc il s'y connaît. Même écrire des textes à 9 ans, donc voilà, c'est pour ça qu'il est vraiment d'une école un peu... Il est à la Clairière, et c'est connu pour ça en fait. Okay. Pour les enfants assez speedy Gonzalez, comme sa maman. Hanan, quoi, du coup, alors. On a parlé de la rue. Des bonnes, mauvaises fréquentations, de la jeunesse qui croit plus en l'école, qui croit plus au travail qu'il y a après, c'est ça aussi que tu racontes, quoi. Et du coup, mais ok, mais qu'est-ce qu'il y a encore à décrire et aussi, je ne sais plus son prénom. Walid. Comment ? Walid, qui disait que dans le quartier, il n'y a pas que. Il y a aussi des choses chouettes. Et c'est vrai, c'est vrai. Il y a aussi des chouettes rapports avec les gens. Mais après, comment on pourrait encore décrire le quartier ? Comment vous êtes vus par le monde des adultes ? Tu dis ? Moi, je trouve qu'on est mal vus. Pourquoi tu dis ça ? Parce qu'on se regroupe dans un coin et des fois, on peut faire peur. Les gens, des fois, quand ils nous voient, ils ont peur. Donc, ils ne veulent pas passer par ici. Et s'ils ne veulent pas passer par ici, ils ne vont jamais savoir vraiment comment ça se passe. Évidemment, évidemment, c'est clair. Prendre le temps de discuter, de rencontrer. Alors, ils se font des a priori, quoi. Ils se font des a priori et puis ils restent sur ça et ça bouge pas. Et donc, nous aussi, ça nous donne pas envie de parler avec eux ou bien de rigoler un peu avec eux. T'entends, Adan, c'est intéressant ce qu'il dit. Ça veut dire qu'il faudrait casser ce bloc de froideur pour créer du lien, pour que les gens se parlent les uns les autres, quoi. S'ils arrêtent de porter des casquettes et des sacoches dans tout le coin de la rue, ça ferait moins faire peur visuelle. Qu'est-ce que tu racontes ? Bah en fait, le physique, ça fait très peur, en fait. Parce qu'ils ont une manière aussi de s'habiller qui n'est pas cohérente. Et mettre des casquettes et des sacoches, on dit qu'est-ce qu'il y a réellement dans cette sacoche ? Ou bien ça fait peur, la sacoche. Ou bien... On dit ou bien ils dealent, ou bien ils vendent. Qu'est-ce qu'ils ont réellement ? C'est quoi, en fait, cette survie ? Bon, voilà. T'entends ce que dit Hanan ? Elle a dit que c'est la façon de s'habiller qui dérangerait. Mais moi, ça veut dire aussi maintenant que je pourrais juger sur la façon de s'habiller d'une autre personne. Je pourrais dire que j'ai peur par rapport à ça. Normalement, un habit, ça ne fait pas peur, je pense. Voilà. Tu dis, parce qu'on ne l'a pas entendu. J'ai dit l'habit ne fait pas le moine. Ah ouais, ça. Oui, ça, enfin, c'est un peu superficiel, c'est tout ça. C'est cliché, oui, certes. Mais c'est la réalité qui se passe actuellement. Oui, mais comment justement casser, tu vois, tout... Je pense la manière de casser ceci, c'est qu'eux va vers les gens, parle avec eux, qui s'expriment bien, parce qu'ils ont aussi une manière de parler, d'octroyer certaines personnes, et ils sont vraiment vulgaires quand ils s'insultent dans les coins de la rue. On se dit, mais quelle éducation ils ont eue. Et c'est là où j'en reviens, parce qu'ils ont une manière de parler avec leurs parents, très agressif. Ils ne se rendent même pas compte que voilà, les parents-là, ils leur ont donné la vie, ils leur ont donné la chance d'exister, et de travailler, et d'avancer. Si se faire des enfants et les laisser dehors dans la rue, elle est où cette éducation-là ? Non, moi, je parle du principe que, voilà, il y a un moment donné, ils doivent se réveiller. Ce n'est pas rester au banc de la rue que tu vas avancer. Il y a des choses à faire, il y a de la culture à faire, il y a eux de rester dans la rue, il y a aussi des ASBL qui sont là pour faire du foot, ou bien du poker, ou bien ils sont là entre eux. Eux de traîner dans... Aller travailler, tout simplement. Aller travailler, faites quelque chose de votre vie. Mais tu dis la rue, c'est vendre la drogue, tout simplement. Tu travailles quoi dans la rue ? Il y a quoi à faire dans la rue ? Tu tiens les murs. Il y a travailler dans le bâtiment. Il y a... Dans la rue, quand tu travailles dans la rue. Moi, j'habite dans un bloc. Et ben dans le bloc, il y a des gens qui travaillent dans le bloc. Et en bas du bloc, il n'y a pas des gars qui vendent de la drogue ? Non. Tu les vois habillés en Gucci, Louis Vuitton, de la tête aux pieds. Et ils font quoi ? Comment ils ramènent l'argent ? Tu crois que c'est leur père qui donne... Leur père, il est au chômage. Qui va payer ? Pas maintenant. Qui dit que le mec-là, il ne travaille pas ? Tu les vois toute la journée, ils sont là, training, Lacoste TN, casquette. Mais les amis, pourquoi il ne pourrait pas y avoir les deux ? Des gens qui travaillent et des gens qui dealent. Enfin, je veux dire, pourquoi ? Ils vendent de la drogue. Ah ouais ? Moi, j'ai vu des gens qui vendaient de la drogue. Ils étaient habillés en Pertsébago, en jeans classiques, en béret, alors qu'ils vendaient de la drogue. Et pourquoi, on ne dit pas qu'ils vendent de la drogue ? Donne une image, mais tout simplement. Mais moi, j'ai pas envie de me donner une image pour les gens. Moi, j'ai envie de rester comme je suis, comme j'aime bien comme ça. Pourquoi je vais me donner une image pour que les gens ils me disent ah ouais, lui il fait des trucs bien. Je peux faire des trucs bien, être habillé en mode en paire de Gucci et tout. Voilà, c'est pas parce que je mets des ça. Hein. C'est comme ça. Ah bah, c'est vrai, mais en même temps, je comprends ce que tu dis. On comprend ce qu'il dit quand même. On n'est pas obligé d'être un cliché sur pattes. Mais voilà, quand tu les vois habillés en training toute la journée, une semaine avec les mêmes habits, à chaque fois qu'on passe au quartier, ils sont là à tenir les murs, à rouler un joint. On est bien d'accord qu'ils ne se réveillent pas à 8 heures du matin pour aller travailler au bâtiment comme il dit. C'est qu'ils vendent la drogue. Quand tu vois leur pas, peut-être. Chômage, la maman, elle ne travaille pas, ils sont 19 enfants à la maison et ils sont habillés de la marque de la tête aux pieds. C'est qu'ils vendent de la drogue. Tu dis ? Ils peuvent mettre des imitations. Et tu trouves où l'argent ? Comment tu vas trouver l'argent ? Les amis, j'adore le débat parce qu'ici... Quoi ? Et donc, c'est pas bien, évidemment. Il n'y a pas de problème. C'est pas bien de vendre de la drogue. D'accord ? C'est pas bien de vendre de la drogue. OK. Mais comment on pourrait... Enfin, comment ça se fait qu'on tombe dans la drogue aussi ? Comment ça rapporte tout simplement beaucoup d'argent, c'est tout. Il n'y a pas les moyens, les parents ils travaillent pas, on est beaucoup à la maison, ils se disent je vais aller vendre la drogue, au moins j'ai de l'argent. C'est une responsabilité en moi pour les parents déjà, parce que déjà on est beaucoup, il y a aussi mes frères et sœurs, ils sont plus petits, etc. Il faut aider les parents, même si c'est de l'argent sale, au moins je préfère aider mes parents avec, tout simplement. Pour ne pas se lever à 8h du matin, aller à l'école, ça ne rapporte rien. Ça rapporte rien. Un diplôme, ok, on peut avoir un diplôme, être diplômé, s'habiller classe en costard, aller chercher un travail et être refusé, tout simplement. Ben oui, parce que c'est ça aussi, il y a une réalité qu'on ne trouve plus du travail comme ça en claquant des doigts. C'est pas quand même quelque chose de facile, quoi. J'imagine que vendre de la drogue ou dealer, ben c'est pas... on souhaite pas ça, on souhaite pas faire ça de sa vie, quoi. Tu comprends ce que je veux dire ? Si, certes, mais voilà, c'est de l'argent plus facile qu'une personne qui se réveille à 6h du matin, Ben si, si, si. Si, si, si. Si, si, si. Si. Quoi, tu trouves que quelqu'un... Attendez, hein, comme ça, je mets... Une personne qui se lève, pour, qui travaille dans le bâtiment, etc., c'est sa santé physique, tu vois ce que je veux dire? Il se lève dur, etc. Tu vends de la drogue, t'es au bloc toute la journée. Pour 15 000 km, tu fais des trucs de fou, c'est santé physique, t'es pas bien dans ton corps, hein? Tu crois que tu vends de la drogue, tu crois que tu vends de la drogue, t'es comme ça, t'es bien? Attendez, chacun s'écoute. Elle se lève déjà plus tôt, c'est déjà plus dur de porter des kilos de ciment, etc. Elle gagne 1 200 par mois. Alors que celui qui vend de la drogue, il va gagner combien? Attends, maintenant tu te tais et vas-y, tais-toi, s'il te plaît. Je retiens pas les prénoms. Beyoncé, s'il vous plaît. Beyoncé, qui vient de dire en fait que quelqu'un qui se lève à 6 heures du mat, qui travaille le bâtiment, bah, c'est vrai que son corps, au bout de X années, bah, il est fatigué, tu vois. Et puis il se lève tôt, et puis voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais si quelqu'un il vend de la drogue aussi X temps, le même temps que celui qui fait le bâtiment, il sera aussi pas bien. Parce que toute la journée, il est en adrénaline, le gars qui vend de la drogue. Il est pas serein, il vend pas de la drogue légalement. Quand tu vends de la drogue, t'es dans l'illégal. Donc tu paranoïes, tu fais plein de trucs, des fois tu dois partir. Et c'est pas facile, c'est pas tu viens, tu vends de la drogue, c'est bon, tu vas être riche. Hein. Ça n'existe pas ça. Tu risques de rentrer en prison, toute la journée t'es pas bien, ton corps il est pas bien. Si tu vas vendre de la drogue, tu vas commencer à fumer, tu vas commencer aussi à fumer. Donc ton état il va se dégrader, donc... Mais c'est marrant parce que vous enfin, c'est comme si vous l'agressiez de... Ouais, alors que moi je vends pas de drogue. Attends. Mais alors que normalement on devrait être avec lui, on devrait lui dire. On va être avec lui, c'est un débat, on n'est pas d'accord sur le même sujet, pourquoi on va être avec lui? Non, mais je veux dire celui qui tombe. Attends, s'il te plaît, parce que sinon on sait pas communiquer. Celui qui est dans la drogue, il tombe dedans quoi, hein, c'est pas un truc tu vois, c'est un truc, voilà, c'est pas un truc facile. C'est un choix qu'ils font. Ils se disent, ils savent très bien c'est quoi vendre la drogue. Ils peuvent perdre un membre de leur famille. Ils vont tomber dedans, c'est dangereux, etc. Mais quand ils voient la somme, ils se disent, voilà, je prends les risques et c'est comme ça, c'est tout. Bon, allez, on va changer un peu de sujet parce que ça commence à... Hein, on va essayer de continuer... Mais non, parce que sinon on entend toujours les mêmes parler. Non, mais bon. C'est bien parce que lui il défend sa cause. Oui, mais ce serait bien d'entendre aussi les autres, quoi. Oh là là. Parce que pour parler de la drogue, faut voir c'est quoi la drogue. Parce que c'est trop facile de. Moi je sais quoi, mes cousins et tout. Oh. Mais je sais c'est quoi, j'ai vu, mais j'ai rien à voir. Mais il y en a qui parlent de ça, mais il y en a qui parlent de ça et jugent et tout, mais ils savent pas c'est quoi. Ils savent pas c'est quoi les risques, ils savent pas c'est quoi. Toi, tu sais, mais il y en a, ils savent pas. Il y en a, ils parlent, mais ils savent pas c'est quoi. Ils savent pas c'est quoi la rue. Ils savent pas c'est quoi ci, ils savent pas c'est quoi ça. Je dis pas que je l'ai vécu et tout, hein. Mais voilà quoi. Bah voilà, t'as dit que t'as des cousins qui l'ont vécu. Ouais. Et qui te dit que nous non plus, on n'a pas des frères, des cousins. Bon, ben, s'il vous plaît, ce serait chouette. En fait, moi, ce que j'aime bien dans le micro, c'est que ça se passe pas uniquement parce qu'il y a d'autres personnes et c'est d'essayer que la conversation s'ouvre un peu, hein. Parce que. Rire à toi moi, mais elle voulait dire quelque chose. Moi, pour moi, la vérité. Attends. Je dirais un truc. Moi, pour moi, la vérité, une fille, elle peut pas trop parler de la rue. Pourquoi ? Elle va pas connaître vraiment la rue. Ça veut rien dire. La tête de ma mère, elle va ni chez ne pas connaître vraiment la rue. Les grands vendeurs, c'est les filles. Hein. Je suis désolée. Tu peux dire ce que tu veux. Au Mexique. En Colombie. Oh, mais là, je parle de la Belgique, moi. Non, pas forcément. Je parle de la Belgique, la rue de la. Tu viens de France ? Ouais, mais je suis en Belgique. Moi, ça fait 5 ans. Moi, je connais bien. Je connais très, très bien ce qui se passe ici. Les filles. Les filles connaissent pas très très bien la rue. Parce que les filles, ils ont pas tendance à rester une journée 24 heures sur 24 dans le même endroit. C'est juste, peut-être ils habitent ici, ils passent, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Le garçon, lui, il est là toute la journée. Il est là toute la journée, il reste là toute la journée, il sait ce qui se passe. Les filles, juste, ils ont une appréhension. Ils voient, ils restent là 1 heure, 2 heures, ils habitent ici, ok. Mais ils partent, ils restent pas là toute la journée. Donc, ils se font que, ils ont peut-être... Attends, parce qu'il y a des filles qui sont là et donc elles vont donner leur avis, les filles. Tu vas voir qu'une partie, parce qu'il y a toujours une partie cachée de la rue. Il y a la rue que tu vas voir, mais aussi autre chose que tu vas pas voir. Allez, vous avez, qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Vous avez compris ce qu'il a dit? Oui, j'ai bien compris, mais je trouve qu'il y a des différentes façons de dealer. Ben, par exemple, la majorité des garçons qui dealent, ils sont debout, ils attendent qu'il y a des clients qui passent ou quoi, ou peut-être des personnes en voiture et tout ça. Alors qu'une fille qui va dealer, elle ne va pas rester debout comme ça, attendre. Peut-être qu'elle va le prendre dans son sac, se cacher. Enfin, une fille, en fait, on va pas, directement, on va pas directement dire « Oh, ben, elle, elle deal ». Ça ne va pas se voir, ça peut être une personne, une influenceuse qui deal ou quoi. Et la personne, elle va pas, enfin, la fille, elle ne va pas rester comme ça. Pourtant, ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas forcément comment ça se passe ou quoi. Ça se trouve que nous, on le fait juste d'une autre manière que les garçons. Voilà. Et tu dis ça pourquoi ? Parce que t'as entendu, t'as l'expérience, ou bien moi, est-ce que t'as vraiment bien compris ce qu'il a dit ? C'est-à-dire que oui, il dit en gros les filles comme elles sont moins sur le terrain, moins dans la rue, ben elles savent moins de choses. Quoi. Non, moi je trouve que ça veut rien dire parce que une fille, elle peut ne pas être sur le terrain, ne pas être en journée à dealer, mais elle connaît les risques aussi. Elle sait ce qui peut se passer. Elle fait autrement, quoi. C'est ça que t'es occupée à expliquer. Voilà, elle fait autrement. En fait, les filles, on est plus discrètes que les garçons, c'est tout, c'est simple. C'est pour ça qu'ils disent que ouais, les filles, on ne connaît pas la rue, mais il y a des filles qui connaissent mieux la rue que les garçons. Mais ils ne vont pas le montrer, c'est tout. Pas des frimeuses, en gros, les filles. Hein. Voilà. Elles sont plus intelligentes, en fait. Hein. Elles sont plus malines, quoi. Elles sont plus malines. Excellent. Bon, ben oui, ben, ces histoires. De toute façon, ben, on sait bien que la drogue, c'est pas bien, et tatati, tatata, enfin, voilà, après... Pourquoi on parle de ça au fond ? Parce que ça fait partie du quartier, parce qu'il y a des jeunes qui tombent souvent dans ces plans-là. Avec le confinement, il n'y a plus d'argent à se faire. Donc le seul moyen qu'ils ont à se faire de l'argent, parce que l'horeca, tout le monde est en crise, c'est de vendre. Et la personne qui s'isole seule à la maison, pour oublier le confinement et tout, qu'est-ce qu'il fait ? Il fume. Et ça se vend très très bien. Et quand on dit que les hommes prennent plus de risques, non, c'est les femmes qui prennent plus de risques. Parce que les femmes, la police ne les chipote pas comme il faut, ou bien ne regarde pas, vous savez... Combien de femmes qui disent se comparer à l'homme ? Pardon ? Mais je vais dire, non, parce qu'ils ont dit les femmes, ceux qui prennent le plus de risques. Et toi, tu dis qu'il y a plus d'hommes qui dealent que de femmes ? Sur les personnes qui sont rentrées en prison, qui se sont fait attraper pour deal, je pense qu'il n'y a même pas la moitié d'une personne, c'est une femme. Sur 10 personnes. Tout le reste, c'est des hommes. C'est rare qu'il y ait une femme qui deal. C'est parce que c'est plus les garçons qui se exposent ouais, par rapport aux filles. Les filles, elles sont plus discrètes. Les filles sont plus discrètes. Elles vont pas rester comme ça. Les filles, c'est un sac, Louis Vuitton, c'est un truc, ils vont dire, ouais, c'est son go qui l'a acheté. Tu vois ? Alors qu'une fille, elle peut se permettre d'acheter. Et c'est ça que les gens, ils font pas alliance. Et quand une fille traîne avec un mec, c'est parce que le mec, ou bien il fait partie d'un groupe, ou bien... Maintenant, dans ça aussi, il y a des représailles, il y a des trucs. Et comment elle fait maintenant, la fille ? Elle va tirer. Elle va tirer sur les Benadum. Vas-y. Allez, donne-moi. Il me dit, ça va ? Donne-moi le butin. Non, c'est bon. Mais ça va être. Il s'y connaît bien dans le domaine, hein, pour quelqu'un qui bouge pas, qui traîne pas dans les rues. Parce que moi, j'habite dans un quartier, j'ai des potes à moi qui font ça. Moi, je ne fais pas, moi, personnellement. Moi. Qui font quoi ? Qui font quoi ? Qui font quelque chose. C'est ce que tu as dit. Qui font quelque chose, mais je ne veux pas dire c'est quoi, moi. Il y a son blaze, attention. C'est pas vrai, il est mort. Quoi ? Allez, c'est Jukem, un con. Mais moi, je ne sais pas, dis non. Non, il ne faut pas lâcher des noms, c'est sûr, mais on peut... Ton quartier il est connu pour ? Pour être interdit. Ok, c'est quel quartier ? Donc voilà, ce confinement, il a permis aux jeunes aussi d'être trop dehors. D'être trop, parce qu'ils vont pas à l'école, ils font rien. Tous les ASB sont fermés, la culture elle est fermée. Comment vous voulez qu'ils réussissent dans leur vie ? À part dealer. C'est vrai, ils dealent. Oui, je le vois avec mes yeux, ils dealent. Moi, je trouve pas ça choquant. Parce qu'en période de confinement, tout le monde a perdu leur emploi. Donc le seul moyen de se procurer un peu de bonheur, c'est de dealer, de vendre, de fumer entre potes, être dans les quatre coins de la rue. Donc il y en a ceux qui vont aimer, ceux qui vont pas aimer. Il y en a ceux qui ont vraiment peur de ça, qui ne vont pas toucher à ça. Il y en a ceux qui craignent leurs parents, qui savent qu'ils ne peuvent pas toucher à ça. Mais maintenant, les jeunes de maintenant, ils s'en foutent de tout. Ils s'en foutent de l'éducation, ils s'en foutent des parents. Donc eux, dans leur tête, ils pensent qu'ils ont 20 ans, ils sont majeurs, vaccinés. Ils pensent qu'ils peuvent tout faire. Il y a le CPAS qui vont leur sauver la vie. Mais le monde, il ne s'arrête pas à ça. Hein. Le monde, ok, ok. Mais si on essayait de décrire le quartier autrement pour les autres aussi, ceux qui ne se droguent pas, ceux que c'est pas ça qui les attire, c'est quoi aussi être un jeune, voilà, simplement, avec toute cette année qui vient, qui est passée. Attends, attends, parce que sinon on entend ma pensée et puis on l'entend couper, tu vois. Non, je t'en prie. Toute cette année, ça va faire combien de temps maintenant? Un an que le confinement a eu lieu, que l'école a complètement débloqué. Comment vous situez, vous, les jeunes, là-dedans, quoi? Comment vous voyez les choses? Attends. Moi, pour moi, le confinement, il m'a tué. Il m'a tué à niveau scolaire et tout. Ça m'a démoralisé. J'arrivais plus à travailler. Et c'est à cause de ça que je pense que j'ai eu des mauvais points et tout ça. J'ai eu des absences, tout ça. Pourquoi t'as pas réussi ton année? Enfin, elle n'est pas encore finie. Non, mais celle de l'année dernière, puisque celle de l'année dernière, j'ai réussi, puisque... Bah, bravo, félicitations. Merci. Mais cette année, je parle de cette année. Ok. Mais c'est quoi le nom de ta formation ou qu'est-ce que t'as choisi comme étude? Je suis en travaux de bureau, en sixième. Ok. En technique. D'accord. Et quoi, cette année-ci, tu t'es pas sûr de réussir, c'est ça? Je galère un peu, parce qu'avec le confinement, des fois on a école, des fois on n'a pas école. Ça devient dur avec les travaux à la maison, les PC, il y en a qui n'ont pas de PC. Ça devient dur. Et j'espère réussir, j'espère que tout le monde réussira. Toi, t'as envie de dire quelque chose par rapport à tout ça? Oui, moi ça m'a aidé, parce que on avait plus de travail à la maison, du coup j'avais plus de temps pour le faire. Et l'année passée aussi, j'ai réussi. Et maintenant, ça va. Mais j'ai juste un petit problème au niveau de l'accrochage parce que une fois j'ai cours, une fois j'ai pas cours et c'est un peu chiant. Et voilà. Oui, c'est difficile hein, d'être. On ne sait pas très bien, du coup, vous ne savez pas très bien toujours comment vous positionner. Au début, c'était cool. Hein. Moi, quand ils ont dit qu'il y avait confinement et tout, j'étais grave contente et tout. Mais enfin, on a fait 5 mois. Au début, c'était cool le premier mois. Deuxième mois, bon, ça commence à être un peu fatigant. Troisième mois, bon, on se dit, bon, là, ils commencent à abuser et tout ça. Voilà, à chaque fois, ils rajoutaient des mois. Et enfin, on a presque tous réussi. Quand même, la majorité des personnes, ils ont réussi. Parce que, enfin, les profs, ils n'ont pas anticipé la chose. Ils ne savaient pas que, bah, y aurait eu un virus, quoi. Et donc, cette année, en tout cas, ils vont pas nous lâcher. Hein. Virus ou pas, il y a des applications ou quoi. Donc, on n'a pas d'excuses, en fait. Si on rate notre année ou si on a des échecs, on n'a pas d'excuses cette année, franchement. Tant pis pour vous, quoi. Voilà, tant pis pour nous, quoi. Et donc ça craint. Bah, oui. Donc il faut être. Mais quoi, le fait de plus voir vos potes, de plus se lever le matin et d'être vraiment en concret avec les autres, ça vous a manqué ça? Ben oui, parce que pendant les vacances, on va dire, ben à un moment on s'est dit oh c'est nul parce qu'on n'a plus la vie d'avant, aller en boîte, aller chez nos copines et tout. Enfin, je trouve que c'est devenu nul parce que on peut pas trop se voir. Enfin, quand on se voit, ben on peut pas vraiment aller manger parce que même si on y va au restaurant, on va prendre à emporter, on sera là dehors à manger et tout. Et on n'a plus la vie d'avant, on n'a plus ce sourire comme avant. Et la majorité des jeunes, ben, ils s'ennuient, clairement, ils s'ennuient. Donc, c'est devenu nul, quoi. Ben oui, c'est dingue. Enfin, surtout, ça change votre énergie à vous aussi, quoi. C'est pas... quoi. Vous voyez vraiment plus entre copines Si, on se voit quand même, on se voit. Mais il n'y a plus ce moment-là où on peut dire « Oh, c'était trop bien quand on a fait ça », parce que quand on se voit, ben, elles viennent à la maison ou alors je viens chez elles, mais il n'y a rien de ouf. On ne peut pas même pas raconter des petites story time en mode « Oh, tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée », vu que c'est une routine, c'est toujours la même chose. Donc ça devient nul au final, vous voyez. Oui, je comprends. Ouais, on se rend pas, enfin, moi je me rends pas toujours compte évidemment de tout ça, évidemment. On se rend pas toujours bien compte évidemment, mais pour vous aussi, vous sortez plus, vous n'allez plus au restaurant, vous ne faites plus la fête, quoi, pour vous les adultes ici là. À 21 ans, on est grand hein, maintenant. En fait, là maintenant, il y a plus de sorties, il y a plus de resto, les gens, ils en ont marre. Même de serrer la main à quelqu'un, ça manque. Même embrasser la personne qu'on a en face de nous, ça nous manque. Et prendre les gens dans les bras et passer du temps avec eux. Quoi, vous le faites vrai, enfin, vous le faites plus? Mais déjà, ils ont vraiment peur du Covid. Les personnes oui, mais toi, dans ta famille, avec tes enfants, ta femme, ton mari Mon mari, j'en ai plusieurs. Hein. polygamie, polygamie ma gueule, si t'es ma gueule. Mais non, mais je veux dire, dans son intime, on continue à être en lien les uns avec les autres, non? Bah, en fait, il y a tellement de gens qui ont peur du Covid, qu'ils ont peur de qu'on les embrasse ou bien qu'on les prend. Ici, dans le quartier, vraiment? Par contre, mes parents, ils ont peur. Vraiment? Oui, parce qu'ils sont très, très atteints. Et mon père, pour l'instant, est en train de se battre. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, oui. Mais par contre, mes amis proches et tout, je les serre dans mes bras, je les embrasse. Ah, Farida, on s'embrasse, hein? Donc, voilà. Il y a des gens, ils n'ont pas peur, on peut les... Donc, voilà. Et des fois, on s'amuse, on danse entre nous. Donc, voilà, on restreint, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est chiant de ne pas aller dans des soirées, voir d'autres personnes, voir la culture du théâtre. Cinéma, ça me manque. Les restos, ça me manque. La mer, les boîtes, les discothèques... Tout me manque, quoi. Et tiens, parce qu'il reste le temps avance, évidemment, ça, il ne reste plus beaucoup de temps, mais il y a bientôt un projet, là, un appel aux dons. C'est quoi cette histoire? Tu racontes un peu? En fait, l'histoire, c'est de faire plus ou moins 5000 colis. Il y a vraiment des gens précaires. Et comme on fait les 19 communes de la ville de Bruxelles, on essaie de satisfaire un petit peu tout le monde. Ça veut dire de donner un peu de nourriture aux personnes vraiment précaires. Parce qu'il y a des gens qui doivent savoir gérer ou bien leur loyer, ou bien la nourriture. Donc ils préfèrent payer leur loyer pour être dans un toit. Et la nourriture, c'est vraiment très, très dur de nos jours. Et là, en période de confinement, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi. Donc nous, ce qu'on sait faire, c'est de faire de la récup de nourriture pour qu'elle ne va pas dans la poubelle, mais qu'ils puissent avoir une deuxième vie, c'est donner au foyer, quoi. Et quoi, quand tu dis les 19 communes, ça veut dire que vous faites de la récup sur les 19 communes, en fait, c'est ça? Ou bien vous êtes solidaire sur les 19 communes? On est solidaire et on fait les deux. On fait la même chose. Si on a forêt, on a une palette de ceci, on prend, on le redistribue à tout le monde. Donc voilà, nous, le but, c'est un partage, parce que c'est un partage collectif qu'on fait. Et on ne s'arrête pas que au collier alimentaire. Hein. Donc si les personnes n'ont pas de carte médicale, on ramène faire les instances sociales. Et voilà, s'il y a des jeunes qui veulent venir nous aider bénévolement, qui viennent nous aider, le traîner dans les rues, quoi. Oui, d'ailleurs, on voit plein de, comment on dit ça, des bacs. Il y en a pas mal qui sont comme déjà tout préparés, en fait, c'est ça? Il y a 500 colis déjà préparés. 500, excuse-moi, j'avais pas compris. Il y a voilà. 500 colis qui sont déjà préparés. Ils sont de 1h jusqu'à 20h. Et voilà, et on prend une pièce d'identité, on va voir de quelle commune ils viennent et on leur donne un colis alimentaire une fois par semaine. Parce que là, on nourrit plus ou moins 3700. Personnes. Personne. Famille. Quoi, ça veut dire qu'elles viennent tous les jours? Elles viennent une fois par semaine. Okay. Ils ont une semaine pour venir chercher leur colis. Ouais, on se dit que c'est bien qu'il y ait de la solidarité comme ça, parce que sinon, ça marcherait comment Moi, je pense, heureusement qu'il y a des associations, il y a des ASBA, il y a les banques alimentaires, il y a cette structure-là du CPAS, sinon tout le monde commencera à voler et se droguer et faire n'importe quoi. Mais oui. Et là, maintenant, pour l'instant, tout le monde se concentre à TikTok, c'est la mode, Snapchat, c'est la mode, donc voilà. Se concentre, ça veut dire que tout le monde est dans son téléphone, quoi. Et dans son téléphone. Et plus dans son téléphone, au lieu de se poser les vraies questions. C'est quoi le Covid? Qu'est-ce qui se passe dans ce Covid? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Pourquoi le climat? Pourquoi on se bat pour les droits? Pourquoi les gens travaillent? Pourquoi les infirmiers n'ont pas le même droit que des politiciens? Pourquoi ils n'ont pas le même salaire alors qu'eux-mêmes risquent leur vie tous les jours à sauver des gens qui sont dans le Covid? Il y a des gens, des médecins qui sont là, qui essaient de sauver des vies. Et voilà, quand ils reviennent, c'est tous les soirs. Est-ce qu'ils ont le Covid? Est-ce qu'ils n'ont pas? Eux-mêmes ont peur de ça. Donc ce Covid fait vraiment peur. Et les gens le masquent avec d'autres choses, avec TikTok. Ou bien chaque fois quand il y a des nouvelles restrictions sanitaires qui disent, voilà, de 20h à 20h, ça veut dire dans les hôpitaux, il y a un grand problème. Et quand on dit on va être vacciné, que tout le monde va être sauvé, c'est le contraire qui se passe. Donc ça veut dire le vaccin ne marche pas. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les hôpitaux, malheureusement. Et voilà. Et là, notre but, c'est vraiment d'aider les gens vraiment précaires. Et ça, si on arrive à faire ça, c'est déjà bien. Voilà, c'est déjà bien. C'est déjà bien. C'est vrai, c'est déjà bien, non? La solidarité. On arrive à la fin. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à tout ce qui s'est dit ici, par rapport à Hanan, à Beyoncé? Je sais pas, pour par rapport à la drogue, par rapport à l'école, par rapport au Covid, par rapport comment vous voyez votre futur, vous? Vous avez quoi, 17, 18, 19 ans, là? Comment vous voyez le... Tu dis? Moi, en tout cas, je me vois à la tête d'une entreprise. Quel genre d'entreprise? Je sais pas, du moins que ça me rapporte de l'argent. La drogue? Non, pas du tout, une entreprise. Noa aussi, mais ça m'intéresse pas. Ça, c'est une ONG, ça. C'est une ONG, malheureusement. Et quoi mais tu sais pas dans quoi, une entreprise, mais tu sais pas de quoi. Je sais pas dans quoi, mais je sais que je vais pas avoir de patron, juste avoir un salaire qui rentre tous les mois, c'est tout. Sans devoir me lever tôt le matin pour travailler. On souhaite tous ça. Hein. C'est vrai, c'est ça. Mais je souhaite à tout le monde. Et voilà. Vous, les amis, chacun quand même. Sur toute la discussion, sur... Ouais. Ben, quand même, loin de tout ça. Mais même si, moi, loin de tout ça, ça veut dire ? Moi, les dealers, je les en veux pas. Parce que je trouve que ce qu'ils font... Je trouve que ce qu'ils font, c'est pas méchant au fond, parce que quand on calcule bien, enfin, quand ouais, ils font de mal à personne, et en plus de ça, quand on voit la raison pourquoi ils font ça, c'est parce que ben eux, ils sont dans la galère, leurs parents sont dans la galère, et surtout qu'on est des étrangers, donc c'est pas facile pour nous de trouver forcément un travail qui paye bien directement. Et en plus de ça, vu qu'on est étranger, on doit montrer deux fois plus que on peut aussi ben avoir une vie comme les autres et tout ça. Et donc, voilà, quoi. Mais moi, ben, je sais pas, dans 10 ans, je me vois dans un autre pays. Lequel ? Londres. Pourquoi Londres ? Ben, parce que j'ai la famille là-bas et tout ça. Et j'ai mes grandes sœurs, elles sont là-bas. Et tout le monde est parti à Londres. Londres, France et Amérique. Mais Amérique, voilà, les bavures policières, matin, midi, soir, ça va. Donc, Londres, ça va. Je trouve que c'est un bon pays et tout ça. Faut juste avoir de l'argent. Oui, mais c'est ça que j'avais envie de dire. Parce qu'on parle du dealer qui se fait de la thune facilement, etc. Mais je veux dire, je sais que ça paraît con, mais il n'y a pas que la thune, quoi, vous voyez, dans la vie. Je sais qu'il en faut pour vivre, tu vois. Basiquement, manger, avoir un toit, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Mais l'argent, ça aide. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a rien du tout. C'est bien, on sait. Mais c'est vrai, s'il n'y a pas d'argent, tu n'as rien. Tu ne peux pas t'acheter d'habits, tu n'as pas de toit, tu n'as rien, tu te retrouves à la rue. Oui, mais il y a une différence. Si t'as de l'argent, ça aide. Il y a une différence. Plus de facilité. Bonjour, toi. Comment tu t'appelles ? Benitor. Salut. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de faire sa vie en se faisant tout un paquet de pognon dans la poche facilement. Tout ça. Oui, oui, ça comme tout le monde. Je veux dire, sinon, on est SDF, quoi. On est dans la rue, sinon. Mais c'est mieux. On veut être riche, on veut le million, c'est ça qu'on veut. C'est vrai ? Ouais, c'est ça qu'on veut. Ah bah là, vous allez, ouais. Ouais, ouais. Toi aussi, tu veux le million ? Ah, bien sûr, obligé, ça. Minimum million. Ah ouais, ouais. Bah, vous allez tous, tu dis ? Alors, vous chantez une musique ? Bah, c'est quoi le sujet, en fait ? Parce que je viens d'arriver, je sais pas de quoi vous parlez. Voilà, bah écoute, on a parlé de drogue, de l'argent facile... On a parlé de la rue, on a parlé aussi de la position des filles dans la rue. Il y a eu un petit échange assez vif comme ça. On a parlé quoi ? De la solidarité, de l'endroit ici, comment la SBL se bougeait pour ça. Voilà. T'as envie de dire quelque chose, toi, sur la rue, le quartier Voilà. Les gens qui prennent des fois, les jeunes par exemple, des fois qui prennent un mauvais chemin, tu vois, en plus avec la crise du Covid, qui glandent, et du coup, voilà, on a parlé de ça. Toi, t'as envie de dire un truc sur tout ça ? Oh, la vérité, mais j'ai déjà dit moi ce que je voulais dire. Ouais, t'as plus envie de rajouter quelque chose ? Qu'est-ce que t'as dit ? Qu'est-ce que tu penses faire pour réussir bien dans ta vie ? Si tu devais parler à un jeune qui traîne dehors dans la rue, ça va être quoi ton discours pour qu'il ne traîne pas dans la rue ? Jeune, ça veut dire mineur. Non. T'es plus petit comme toi, 20 ans, la vingtaine d'années, ouais, qui traîne dehors dans la rue. Vas-y, c'est un jeune comme moi, je lui dirais, ce que t'as à faire, hein, t'as le même âge que moi, j'ai rien à te dire. J'ai là le même âge que moi. Ça t'inspire pas sa question de se dire voilà, tu te retrouves devant un jeune, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire pour sa vie future ? Qu'est-ce que tu dans ta tête tu vas dire ouais, qu'est-ce que je vais faire pour l'aider à s'en sortir ? Mais moi je m'en souviens. T'as pas besoin d'aide, c'est ça que t'allais dire. Ouais, moi je sais pas, moi comment je suis pas médiateur, moi je sais pas comment je vais faire pour lui dire ça, moi. Moi, j'aurais dit à la personne, si je la croise, je lui dis, ton argent sale, tu l'utilises dans quelque chose de bien. On va dire, donc, tu l'utilises, exemple, dans un investissement ou quoi. Tu deviens ton propre patron. Tu crées ton propre business et tu gagneras encore plus d'argent. Et là, tu es sûr que tu pourras dormir tranquille parce que, à 5h du mat, t'es sûr qu'il n'y aura pas des perquises ou quoi? Putain, à 5h du mat! Aïe, aïe, aïe! C'est bon. Ah, pour la perquisition. Bon, voilà les mots de la fin. La conclusion, c'est... Traînez pas se faire de la thune. Légalement, pas illégalement. Prendre soin de sa santé. Prenez soin de vos proches. Vivez votre vie au maximum. C'est Beyoncé qui a parlé. C'est Beyoncé. Petite dédicace à tous mes fans d'ici. Et voilà. Merci à vous. Merci à vous.